Écoutez la radio Isanganiro, merci de nous avoir choisi. C'est le moment de suivre le journal avec ses grands titres. L'ombudsman burundais appelle les habitants de la ville de Bujumbura à voter oui lors du référendum sur la constitution. Mais le parti UPRONA indique que le moment n'est pas encore arrivé pour inciter les gens à voter ou pas. Du côté du parti Frodebo, il regrette que ce texte de projet de loi de constitution se trouve que dans les mains du parti au pouvoir et ses alliés. Le chargé de l'aquaculture en province de Cibitoke invite la jeunesse de sa localité à pratiquer l'aquaculture pour leur autofinancement. Il a dit en se référant à une bonne récolte qui a été faite par un démobilisé de cette province. Les chambres de prière de la province Lumonge sont interdites depuis ce samedi et c'est sur injonction du gouverneur qui dit avoir remarqué que des délits comme l'adultère s'y commettent. Les manettes sont tenues par Eli Kadogo. À la présentation de ce journal, vous retrouvez Ali Dandaikeza. Bienvenue encore. Isanganiro, la radio de l'avenir. Commençons ce journal par la politique. L'ombudsman burundais affirme que le nouveau projet de constitution vient renforcer la culture démocratique au Burundi. Lors d'une séance de sensibilisation de ce projet aux représentants des citadins ce vendredi, Edouard Nduwimana les a appelés à voter oui. Suivez-le, traduit en français par Thierry Mfayokurera. J'espère que dans la mairie de Bujumbura, nous serons les premiers à voter oui, parce que cette proposition d'amendement de la Constitution ne vient qu'asseoir la démocratie. Et les accords d'Arusha qui ont permis une nette amélioration dans la cohabitation et la sécurité du pays continuent à être respectés, surtout avec la gestion inclusive du pouvoir au niveau ethnique et dans les forces de l'ordre et de défense. Vous savez que les proportions sont à 50% Hutu et 50% Tutsi. Tout cela est resté inchangé avec la nouvelle constitution. Une autre chose, c'est que concernant les minorités politiques, le parti qui aura 2% dans les élections siégera à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas revenu, celle de comment les lois seront votées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous souhaiterions que le parti vainqueur des élections puisse réellement travailler sur son projet de société parce que, actuellement, le président est élu à la majorité absolue, c'est-à-dire à 50 plus 1, alors qu'à l'Assemblée nationale, les lois sont votées aux deux tiers. Mais nous demandons qu'avec le nouveau projet de constitution, les lois puissent être votées à la majorité absolue, mais que les lois organiques soient votées aux 3/5, dans le but d'associer l'opposition pour que l'Assemblée nationale ou le Sénat puissent se réunir en plénière. Il faut que les deux tiers soient présents. Vous comprendrez alors que même l'opposition sera associée à son nouveau projet de constitution. Si les deux tiers sont réunis, les lois seront votées à la majorité absolue. Sur ce même sujet, le parti Union pour le Progrès National UPRONA estime que le moment de propagande pour le vote du oui ou non à la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum n'est pas encore arrivé. Olivier Nkurunziza, secrétaire et porte-parole de ce parti, considère que c'est normal que le gouvernement appelle la population à voter positivement ce projet de constitution parce qu'il en est l'initiateur. Il indique que les autres commencent à enseigner le vote du non alors que c'est anticipé. On l'écoute. Il a été joint au téléphone par Elini Bel Nibigira. D'abord, ce que nous savons aujourd'hui, c'est une période de sensibilisation où on sensibilise la population burundaise, effectivement, pour savoir ce qu'on a changé dans la Constitution, quels sont les articles amendés. Et c'est cette période alors où tous les Burundais, dans les catégories confondues, et que ce soit les partis politiques ou les positions politiques, nous sommes interpellés à participer dans les sensibilisations pour effectivement savoir les articles qui ont été amendés. Et la question de savoir que cette période de dire oui ou non est arrivée, je pense que le gouvernement du Burundi n'a pas encore donné cette sifflet. Sinon, Nous, les partis politiques, on aurait sur le terrain pour sensibiliser, de voter oui ou non. Mais qu'un politicien, quand il regroupe ses membres, qu'ils ont déjà décidé dans leurs équipes de voter oui, c'est leur choix. Mais au niveau du gouvernement, ce que je sache, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore donné le sifflet d'aller enseigner de voter oui ou non. Pour le gouvernement, c'est un peu difficile. Vous savez, le gouvernement, c'est un projet de gouvernement par la voie à la commission. Et c'est le gouvernement qui a proposé le projet. Pour le gouvernement, quand il demande à la population de voter oui, oui, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de sensibiliser au moment où vous êtes en train d'expliquer les articles amendés. Et même pour le gouvernement, de prendre la position pour le gouvernement, c'est de voter oui, peut-être. Quelles sont les conséquences qui peuvent s'en suivre s'il y a ce qui appelle la population à voter oui, alors que, comme vous l'avez dit, cette période n'a pas encore commencé? Les conséquences, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est ce que nous commençons à entendre d'ici ou là, des personnes qui enseignent de voter oui ou non, alors que c'est la période de sensibilisation. Alors là, ce que nous demandons, c'est de s'abstenir effectivement pour attendre le gouvernement de nous donner le sifflet d'aller enseigner, de voter oui ou non, pour éviter que sur terrain, il y aura des fuites en avant. Pour terminer ce chapitre, la procédure de vulgarisation du projet de constitution est injuste, explique le parti Sahwanya Frodebou. Selon le vice-président du parti Sahwanya Frodebou, tout citoyen a droit d'aller sur terrain pour présenter les avantages et les inconvénients de l'amendement de la constitution que la partie gouvernementale, Léonce Nguenda-Koumana, déplore que ce projet de loi se trouve dans les mains du pouvoir et ses alliés qui prônent déjà le oui, ce qui est une violation de la loi. Suivez Léonce Nguenda-Koumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebou, au micro de Placide Niyomongere. Il n'est pas encore temps d'aller demander à la population burundaise de voter oui ou non contre cette constitution, tant qu'il n'y a pas un décret du président qui convoque le référendum. Le référendum est une élection. Il doit être préparé et organisé comme une élection. Empêcher à l'opposition, si vous voulez, de ne pas se rendre sur le terrain pour présenter, expliquer aux gens les avantages et les inconvénients de cette révision, c'est vraiment une procédure injuste. C'est injuste, c'est l'usage de la force. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont proches, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches du pouvoir, sillonnent tout le pays pour présenter positivement cette révision. Comme si nous étions dans un parti unique. Si vous êtes encore là, par exemple, la CENI dit que c'est le président d'abord qui doit convoquer les responsables des partis politiques pour aller battre des campagnes, mais que pour le moment, c'est le tour du gouvernement pour expliquer ce qui a changé. La constitution est un contrat social qui engage tous les Burundais. Aujourd'hui, cette procédure est une procédure qui viole la constitution, qui ignore la loi et surtout qui prive à une partie de la population, contrairement au contenu de l'article 7 de la constitution, qui dit que la souveraineté nationale appartient à tout le peuple burundais, qu'aucune partie du peuple ne peut s'en approprier. Alors aujourd'hui, ce projet de constitution se trouve dans les mains de ceux qui sont au pouvoir et leurs alliés, tout simplement. Mais ceux qui sont au pouvoir, il y a l'ombudsman qui n'est pas une institution étatique. Mais il doit connaître les limites dans lesquelles il doit œuvrer comme ombudsman. Alors s'il a déjà pris une position, comment est-ce qu'il va concilier les deux positions? Il ne jouera plus son rôle de médiateur en ce moment. Alors, nous disons que la procédure est biaisée d'avance. Et si la procédure est biaisée, le résultat sera biaisé. Pour éviter qu'on atteigne ces résultats-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser tout le monde aller expliquer comment il entend la révision de cette constitution. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est un droit. Il ne faut pas les priver le droit d'une constitution qui n'a pas encore été révisée. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h05 à Bujumbura, le journal continue. 20 maisons, 4 salles de classe et 2 champs ont été détruits par une pluie torrentielle qui est tombée ce samedi sur la colline Kagirigiri, Gabiro, Ruvyagira de la commune Rugombo en province Chibitoke. Cela fait également un mois que les habitants de la zone Buhaira de la commune Mugui dorment à la belle étoile suite à une pluie qui avait détruit leur maison. La population de cette localité ainsi que les administratifs demandent une assistance pour venir en aide à ces victimes d'intempéries. Restons dans cette même province où le chargé de l'aquaculture et de la pêche demande à la jeunesse de cette province de se lancer dans l'aquaculture dans le but de s'autopromouvoir. Cet appel intervient après qu'un jeune homme de la colline Samngé en commune Rugombo et eu une bonne récolte de poissons. Se démobiliser d'y être content de cette activité qui lui génère aujourd'hui beaucoup de revenus. Les détails dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Nous sommes chez Bigirimana Christophe de la colline Samngé. Ses voisins viennent nombreux s'acheter du poisson que cet aquaculteur est en train de récolter en ce moment. Cet homme, cité parmi les démobilisés, explique comment il s'est lancé dans l'aquaculture. C'est une activité qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai d'abord réfléchi comment faire l'aquaculture. Vous voyez que ces derniers jours, il est difficile d'élever les vaches. Ça demande beaucoup de moyens. Je ne peux pas te dire combien j'ai utilisé pour arriver à ce niveau. Mais je te dirai que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Faire l'aquaculture, c'est vraiment difficile. La satisfaction, ce n'est pas seulement l'endroit de celui qui est en train de récolter. Ses voisins qui viennent s'acheter du poisson, eux aussi disent être satisfaits. En témoigne Fabien Ningabira. Au début, on pensait que c'était une perte de temps. Aujourd'hui, il vient de nous convaincre. Il vient vraiment de franchir une étape satisfaisante. Vous voyez que tout le monde est venu s'approvisionner ici. Cet aquaculteur de Samngé est encouragé par les administratifs. Le chef de colline Samngé, Albert Bananiza, demande aux autres, surtout les jeunes, à emboîter le pas. Christophe Wigirimana. C'est vraiment une surprise de voir une très bonne récolte. Je vois que tout le monde sera servi aujourd'hui. Ce bon exemple devrait servir de leçon à d'autres personnes pour s'autopromouvoir. C'est grâce à l'encadrement d'Adrien Habiriho pour que Christophe Guilimana ait marqué le pas dans l'aquaculture. Ce chargé de la pêche et de l'aquaculture en province Chibitoke salue le courage et le dévouement de celui qui l'a aidé. Il m'a compris et s'est bien comporté avec beaucoup de courage. Je continue à sensibiliser maison par maison au niveau des administratifs. De la base au sommet. Je passe partout pour que je puisse convaincre plus d'un. Se charger de la pêche et de l'aquaculture en province Chibitoke lance un appel surtout à la jeunesse de cette province de se lancer dans diverses activités génératrices de revenus, l'aquaculture y compris. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Continuons ce journal en nous rendant dans la province de Rumonge, où le gouverneur a ordonné aux chefs des 8 secteurs de la ville de Rumonge de fermer immédiatement toute chambre de prière de son secteur à partir de ce samedi. Juvenal Wigirimana l'a indiqué dans une réunion avec ses élus collinaires et cette autorité provinciale d'y avoir remarqué que des délits comme l'adultère se commettent dans ces chambres de prière. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Imaginez-vous, vous allez prier pour quelqu'un, par exemple, qui souffre de la malaria. Et celui-là va mourir. Selon Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, plusieurs bavures se commettent dans les cellules de prière éparpillées dans différents quartiers de la ville de Rumonge et l'administration locale ne peut pas fermer les yeux. Aujourd'hui, les gens souffrent de malaria. Vous allez dire que nous allons prier alors que Dieu a déjà donné une solution. Vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de tuer les gens. Cela, c'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter. Il y a des gens qui meurent là-bas. À côté de cela, il y a des grossesses non désirées qui proviennent de là, il y a de banditisme qui provient de là parce que c'est les propriétaires de ces chambres. Ils appellent aux gens d'amener des offrandes, d'amener de nourriture. Il y a des bavures qui sont là et qu'on ne peut pas accepter. Je pense que désormais, c'est fini. Certains fondateurs de ces cellules de prière, ils n'ont aucune autorisation et d'autres ont une autorisation de fonder une église. Dans une réunion avec les élus collinaires de la ville de Rumonge, Juvenal Bigirimana a ordonné la fermeture de ces chambres de prière afin de vérifier les documents leur permettant d'opérer. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Misago et quittons Rumonge pour nous rendre à Mwaro. Un problème d'eau potable se remarque au centre urbain de Nyakararo, en province, en commune Gisozi. Les habitants de cette localité disent qu'ils vont puiser l'eau dans les vallées proches. À l'origine de cette situation, un réseau d'eau potable en provenance de Mukike qui n'est plus fonctionnel. Les détails avec Laurent Ndikuriyo. Au centre urbain de Nyakararo, en commune Gisozi de la province Mwaro, il y a différentes infrastructures comme le lycée communal, un centre de santé, une station de l'Isabou, des maisons d'habitation et de commerce, un bureau postal et autres. Toutes ces infrastructures manquent de l'eau potable. Les habitants de ce centre urbain disent qu'ils utilisent l'eau qu'ils vont puiser dans des vallées proches. En période de saison pluvieuse, ils utilisent l'eau recueillie sur la toiture des maisons pour la lessive et la propreté. Pourtant, les sols de certaines maisons sont déjà rouillés. Au lycée communal de la place, le directeur de l'école, Edouard Ouamongou, dit que l'établissement compte plus de 500 élèves qui ne trouvent pas de l'eau à boire. Il précise que l'eau de propriété provient d'un ruisseau qui coule en bas de l'école. Il indique qu'une conduite d'eau qui amenait de l'eau à cette école a été coupée lors des travaux de construction de la RN18 il y a environ une année, mais elle n'a pas pu être réparée jusqu'aujourd'hui. Du côté de l'administration communale, Hilton Daiwondi, administrateur communal, dit qu'à l'origine de ce problème d'eau à Nyakararo, il y a eu des branchements anarchiques qui ont eu lieu sur la conduite d'eau qui prend source à Mukike, en province de Bujumbura. Et précise que l'administration communale, en collaboration avec la régie communale de l'eau, est à l'œuvre pour que ce problème trouve une solution dans les meilleurs délais. De Mwaro, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Merci Laurent pour ces précisions. Et terminons ce journal par une nouvelle en bref. Le dépôt de la Braoudi, méga SSD de la province Karouzi, est fermé depuis ce vendredi. Les autorités provinciales et communales qui ont pris la décision de fermer ce dépôt des produits de la brasserie indiquent qu'ils y ont surpris un camion de la province Muyinga qui chargeait ses produits. L'administrateur communal de Wuhiga dit que c'est pour arrêter la fraude et que des enquêtes sont en cours. Le représentant provincial des commerçants confirme que cela faisait deux semaines qu'ils observaient une carence de ces produits dans toute la province. La bière de Primus se vend à un prix variant entre 1 800 et 2 000 francs dans certaines communes de Karoussi, alors que le prix officiel est de 1 400 francs la bouteille. Et c'est par ici que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.